bail commercial et obligation d'entretien. À la suite de la visite d'une commission de sécurité ayant prescrit l'exécution de travaux de sécurité incendie dans des locaux loués à usage d'hôtel, le locataire avait mis le propriétaire en demeure de réaliser ses travaux. Ce dernier ayant refusé de donner suite à cette demande, le locataire l'avait poursuivi pour voir juger que les travaux lui incombaient. En cours de procédure, le locataire avait obtenu du juge la condamnation du propriétaire à lui verser une provision sur le coût des travaux, puis il avait procédé à la mise aux normes de l'hôtel sans attendre l'issue de la procédure. Dans un tel cas, la Cour de cassation a jugé que l'allocation au locataire d'une provision en vue de la réalisation des travaux vaut nécessairement autorisation de les effectuer. Par suite, le locataire pouvait obtenir le remboursement du coût des travaux réalisés. Oui, il faut signaler que dans de telles situations, la récente réforme du droit des contrats prévoit dans le nouvel article 1222 du Code civil que, après mise en demeure, le créancier d'une obligation peut, dans un délai à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution. Comme ce nouvel article est applicable depuis le 1er octobre 2016, il permet désormais au locataire de réaliser les travaux sans autorisation préalable du juge. Par contre, le contrôle du juge interviendra. Dans un deuxième temps, si le propriétaire refuse de rembourser le montant des travaux. Bien entendu, le locataire devra se montrer très circonspect avant d'engager ses travaux.